طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا إسماعيل، هل لله يد؟ أسك الله سبحانه وتعالى إلى إن ما الله أعلم نعم tu dis ça avec preuve à l'appui sans preuve sans preuve sans preuve je suis franc c'est ça on en parle du coup احسنت احسنت عبد الله الله سبحانه وتعالى له يد نعم عندك دليل ولا تتكلم بغير دليل لا ها ما عندك دليل طيب اجلس هنا طيب ابو هند الله سبحانه وتعالى له يد عندك دليل نعم حديث طبعا صلى الله عليه وسلم دي ceux qui font preuve de justice Deux. نعم له يدين. له يدان عفوا. له يدان. له يدان. طيب comment elles sont Allah أعلم. تمام. On n'a pas le droit de les de comparer ses mains avec les mains des créatures ou autres. تمام. On dit qu'il a des mains, mais comment Allah أعلم. Est-ce qu'il a une main gauche? Et là, dans le hadith, on parle de la main droite. Est-ce que c'est possible qu'il répète le hadith? S'il le répète, t'as la réponse. S'il répète le hadith, en plus, il a choisi le hadith. Il aurait pu dire Bal yadah mabsoutatan. Hein? Comme ça, on aurait gardé la masala pour. hein? Il aurait pu dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit. Au contraire, les deux mains d'Allah sont étendues. Tu vois? Comme ça, ça gardait encore une possibilité. Mais là, il est venu avec le hadith qui tranche sur la masala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a la main gauche ou pas? Donc, si je le fais répéter, tu vas savoir. T'étais là hier? Non. T'étais là hier. Avant-hier? C'est un entier de... Il y a quoi en entier? C'était hier. C'est hier. Taïl. Hendek. Il a deux mains droites. Il a deux mains droites. Wahia, mas'ala, khilafiyya. C'est-à-dire, les savants, ils ont divergé sur cette mas'ala. Parce qu'il y a des hadiths qui sont clairs où le prophète sallam, il évoque que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains droites. Mais il y a un hadith où est évoqué la main gauche d'Allah Azzawajal. Mais ce hadith, il a été jugé faible. Il a été jugé faible, bien qu'étant dans Sahih Muslim. Alors, ceux qui ont dit, écoutez, David, qu'il a une main droite et une main gauche, après qu'ils ont interprété que la main gauche, elle est forte, aussi forte que la main droite. Ça rentre pas dans le tapis, ça ? Ouais, naam. Eux, ils ont awel. Ils ont awel. Le hadith, mais c'est un ta'wil mabni ala dalil, indam. Parce qu'ils avaient un hadith. T'as compris? C'est-à-dire chez eux, le hadith il est dans muslim, il est sahih. Donc là, comment on vient pour interpréter qu'Allah il a deux mains droites? Mafoum. C'est parce que regarde, en fait si tu veux, c'est ce qu'on appelle le hadith, il est shad. On a vu dans le mustalah, c'est quoi le shad? On l'a traduit comment, shad? La contradiction. C'est-à-dire là, on est 10 personnes à rapporter le même hadith de la même personne. Par exemple, là, vous tous, vous rapportez une parole de moi que je rapporte de Shiri Yahya Mathala. Tamam? Mais il y en a un dans l'assise, il rajoute par exemple la main gauche. Alors que tous vous rapportez le même hadith sans avoir évoqué la main gauche. Ah, c'est le même hadith de base, juste là. Voilà, il y a un rajout. Tu vois, il y a le rajout de la main gauche, l'évocation de la main gauche. Tamam? Donc les savants, ils ont classé ce hadith-là. طيب شيخ العثيمين في هذا الشرح قال وأجمع السلف على ثبوتها على وجه اللائق به على ثبوت صفة النفس et la plupart les salafs sont unanimes. Ça c'est l'imam Cheikh Al-Uthaymeen, il dit les salafs sont unanimes sur le fait que on affirme l'attribut de l'âme. On l'a traduit comme ça en français, l'âme, Allah Azza wa Jalla. Ça c'est une parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Est-ce qu'elle est juste? Il dit que il y a un ijma, il y a un consensus sur le fait. نعم هناك خلاف هناك خلاف فقوله هنا خطأ. La parole de Cheikh Al-Uthaymeen هنا, qui dit que c'est l'unanimité des savants sur le fait que on considère le nafs comme faisant partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est une khata. Waham. Waham al-Sheikh. Waham, c'est-à-dire il a eu c'est une erreur qu'il a eu. Tamam? Quel est l'avis du Jumhur, de la plupart des savants sur le Sifat Nafs? Rien. Qui réunit tous les Sifats. Et que ce n'est pas l'âme. Tamam? Ce n'est pas l'âme. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Ça veut dire que c'est un avis qui est fort. C'est un avis qui est fort. Même si tu as l'avis de Ibn Khuzayma, Waghayra, Ibn Khuzayma et d'autres, comme Ibn Qudama. Cheikh Al-Uthaymeen, dans l'Um'at al-I'tiqad, il penche sur le fait que nafs, c'est un sifa. Comme là, vous le voyez là. Il penche sur le fait que nafs, c'est un sifa. Mais dans son charh de Safarini, il a des paroles qui montrent que lui voit la vie de Cheikh l'Islam. Comme quoi, un nafs, c'est l'être d'Allah Azza wa Jal. C'est son être. Et ce n'est pas l'âme. على كل حال سن السلاك هي قوية جدا الخلاف فيها قوي صراحة parce que ceux qui laissent dans son sens apparent ils disent ouais un nafs هو الروح c'est là comment elle est Allah أعلم وكمان تليق بجلاله et ils disent voilà on affirme le nafs comme étant un sifa comme il qui convient Allah Azza wa Jalla. Et d'autres ils disent non. En langue arabe, nafs, ça sous-entend l'être de la personne. Tamam? Et comme ça sous-entend les deux, fa kalamhum qawi. Tamam? Donc dans cette masala khasatan, il faut en tout cas, il faut savoir que le Jumhur il dit ça. La plupart des savants et Cheikh l'Islam parmi eux, ils disent que c'est pas, on peut pas le qualifier comme étant un sifa, parmi les sifas d'Allah Azzawajal. Mais ça dépend pas aussi du contexte du, soit du hadith ou du verset ou... Non, mais tous les hadiths qui sont venus, tu peux l'interpréter des deux manières. Des deux manières. C'est quoi donc le plus exact? C'est quoi le plus juste? صراحة أنا على إلى الآن كما ذكر الشيخ العباد عبد المحسن بل sur le fait que c'est un sifat d'Allah عز وجل. C'est un sifat d'Allah عز وجل. C'est l'être qui réunit toutes les sifats, c'est ça? Non, non. Que c'est un sifat. C'est un attribut d'Allah. On n'a pas dit la majorité de savants, ils pourraient. Oui, la majorité, eux, ils sont de l'autre avis. Comme quoi, c'est l'être d'Allah. Et ça réunit toutes les sifats. Et qui réunit tous les sifats. Et pour l'âme, c'est quoi pour l'âme du coup? L'âme, c'est un sifat. Sifat parmi. Comme tu disais, l'ain, comme tu disais. Mada. Les mains. Et là, ce que tu cites là. Là, tu parles de quoi du coup? Que Cheikh al-Islam est. Ouais, Cheikh al-Islam, lui, la vie, comme quoi, c'est l'être. L'être d'Allah qui réunit tous les sifats. Mais là, l'erreur, en fait, c'est quoi? C'est qu'il a dit qu'il y a ijma, c'est ça l'erreur dans... Ouais, le Shir al-Azimin, son erreur, c'est qu'il a dit que c'est un ijma. C'est un consensus. Alors qu'il n'y a pas de consensus. Au contraire, il y a une divergence entre les savants. Tamam? Maintenant, là, tu me demandes, Mouhin, c'est quoi l'avis rajih? C'est quoi l'avis le plus juste, alors? Est-ce que c'est... est-ce que le nafs, ça fait partie des attributs d'Allah? Ou est-ce que le nafs, c'est juste, ce n'est autre que l'être d'Allah Azzawajal. Tamam? Là, la plupart des savants ils disent que c'est l'être d'Allah Azzawajal. Tamam? Cheikh al-Uthaymeen, au début, il était sur le fait que c'est un sifa, c'est un attribut d'Allah. Et après, on dirait qu'il est revenu sur cette parole-là. Puisque le charh qu'il a fait de Safanini, il l'a fait un peu avant de mourir. Tandis que celui-là, il l'a fait quelques années, peut-être 20 ans avant de mourir. Tamam? Yeah. Taïb. Donc, est-ce qu'on dit qu'ar-ruh, ar-ruh, ça fait partie des sifats d'Allah Azza wa Jal? C'est quoi la différence entre le nafs ou ar-ruh? Un nafs ou ar-ruh? Yani, en l'aura, tu peux dire hada ou hada. Dans la langue arabe, tu peux dire. Si tu veux parler du ruh, tu peux dire nafs. Kharajat nafs. Yani, lorsque tu vois le mort, il agonise. Kanat al-arab taqul kharajat nafs. Son âme est sortie. Kharajat nafs. Et ils veulent dire ruh. Tamam? Donc tu peux interpréter ça par ça. Mais des fois, le nafs. C'est autre chose que le ruh. Tamam? Par exemple, le nafs, ça peut être le dam, le sang, ou autre. Fa baynahuma umum wa khusus. طيب, لكن نحن là quand on affirme le nafs comme étant un sifat d'Allah Azza wa Jalla, c'est bimana, yani, comme on l'a traduit, l'âme. Tama? Ou l'âme, tu la ramènes en arabe, tu peux dire nafs, tu peux dire ruh. Donc est-ce que ruh min sifatillah et Abba Hind? Allah alam jamil. Ismail. الروح من صفات الله لا ليس من صفات الله فلا يجوز أن تقول الروح من صفات الله تمام بس كالله سبحانه وتعالى ما تكلم به تمام même si vous pouvez trouver des versets comme fait Isoura. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Hein? et j'ai insufflé en lui min ruhi, yani, tu pourrais comprendre que le ruh il revient à Allah, lakin laysa hada sahih. Certains mufassirin, ils ont interprété comme quoi que le ruh en question, c'est le ruh de Adam lui-même. Al-Muhim, pour ne pas tawel sur ce sujet, ce qu'on affirme, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé lui-même. S'il est venu avec la parole, avec le mot nafs, on dit, on confirme un nafs. Tamam. وهي مسألة خلافية كما تقدم. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. Donc là on va parler de quelle sifa Abba Zakari. Répète. Si on répète, ma sifa est là. Sifat al-Maji. Sifat al-Maji. Waja Arabuk. Wa qala Allah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah. Sifa. Hada, c'est quelle sifa? Elle est tienne. Donc là, ça va parler du sifat. Sifat al-Maji ou sifat al-Tien. Qu'ils ont presque le même sens. Al-Tien, ateito, wajito, bimana mutakar. Lorsque tu viens, tu dis je suis venu ou je me suis présenté. Ou là. C'est des sens qui sont à peu près pareils. Donc, on confirme cela de la part d'Allah Azza wa Jal. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il vient. Tout comme quand on va voir la mas'ala sur le nuzul. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme c'est venu dans le hadith de Abi Huraira, comme quoi Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yanzilu rabbuna jalla wa ala fi sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Al-hadith muttafaqun alayh. Allah subhanahu wa ta'ala il descend. طيب comme c'est venu dans ce hadith où le prophète Hassan dit Allah subhanahu wa ta'ala il descend jusqu'au premier cieux. Il descend jusqu'au premier cieux. Lorsqu'il ne reste plus que combien? Un tiers de la nuit. Et c'est là qu'il dit s'il y a quelqu'un qui m'invoque, je l'exaucerai. S'il y a quelqu'un qui me demande, je lui donnerai. S'il y a quelqu'un qui me demande pardon, je lui pardonnerai. C'est pourquoi il est bon. Que celui qui veut prier la nuit, qu'il prie durant le dernier tiers de la nuit. Parce que c'est un endroit ou c'est un moment où les invocations sont acceptées. Tamam? Et ça, en fait, juste pour savoir, ça c'est du Maghreb ou compter pour calculer, la nuit elle commence à partir du Maghreb. Ok. Après, divisé par 3. Eh, non. Fa. Alan, عندي سؤال يا عثمان. Le dernier tiers de la nuit au Yémen et le dernier tiers de la nuit à Washington. تختلف صح؟ C'est pas pareil. طيب nous on a dit Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier tiers de la nuit. Est-ce que ça veut dire que il descend maintenant à l'heure du Yémen ou à l'heure de France et après il va descendre à l'heure de Mada, les États-Unis, ou Hakala. C'est-à-dire là, tu vas, en une nuit, tu vas affirmer énormément de sang. Il n'y a qu'une seule pour Hein? tous, il n'y a qu'une seule descente pour tous. Il n'y en a qu'une seule descente pour tous. Mais les heures, elles sont Ils sont diverses. décalés, voilà. Elles sont décalées. C'est-à-dire quand là, ici, il est 3 h du matin, à Washington, il est quelle heure? Vous avez compris la question? Non. Hein? T'as vu, il fait quelque chose? Quelque chose, جميل. هذا الذي نقوله. ما لنا من كثرة الكلام وكثرة التفكيرات. On n'a pas rentré dans les comment c'est possible, mais regarde là-bas à 3 h du matin, on t'a dit, il descend au dernier tiers de la nuit. Hasbouk. Tu t'arrêtes à ce que tu connais du Dalil, sans même aller plus loin. T'as mal? Il y en a deux qui vont te dire, bon, Taïb, Yanzil. Yanzil. Il descend. Toutes ces masailles-là, elles vont venir dans le chapitre Nuzul, Lakin, la Bas, Sifat al-Madi, ou l'Etienne, qu'on évoque cela. Taïb, ils vont dire, mais il descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il quitte l'Arche. Hein? Mais là, il veut dire, ouais, mais attends, on n'a pas de dalil comme quoi il descend. Il y a son arche, on sait qu'il est au-dessus de toutes les créatures. Mais lui, quand il descend, au premier cieux, donc là, c'est qu'il a. Hein? Il a quitté son arche. C'est pour ça, la aqida, des fois, tu vas trouver des paroles qui sont azim. Peut-être ça te donne des frissons, même de ne serait-ce que d'y penser. Hein? Des fois, tu peux entendre des paroles, fais la rapide. Ouais, choquantes, et qui peuvent te donner des frissons, juste le fait d'y penser et de penser à la réponse. Mais en fait, il faut t'arrêter sur ce qui nous est venu du Kitab et de la Sunna. T'as vu? Ce que. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous le disons. Est-ce que le prophète sallam il dit, nous le disons. Peut-être en prenant sans apparence, sans chercher à Sans expliquer. chercher à expliquer. Malgré que dans cette masala-là, certains salafs, ils sont rentrés, ils ont parlé, ils ont évoqué comme Cheikh l'Islam, il est rentré, oui, il se peut qu'il descende avec son arche. C'est pas baïd. Mais le mieux, c'est en réalité qu'il ferme la porte à tout ça. Qu'il n'ouvre pas de bête. Ce qu'on a du prophète, ça nous suffit. Ouais, basse. Tamam. Ala kulli Donc on a dans ces versets une confirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir. Naam. Après, comment il vient? La manière, hava, Allahu a'lam. Lakin, on confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il vient. Et le dernier tiers de la nuit, il descend. وهكذا طيب certains innovateurs ils ont dit d'ailleurs j'ai pas terminé de j'ai pas lu le charh de Cheikh Al-Uthaymeen on va lire le charh de Cheikh Al-Uthaymeen il raconte الصفات الرابعة المجيء مجيء الله مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vienne pour trancher, pour juger ses créatures le jour du jugement dernier, ça c'est confirmé dans le Coran, dans la Sunna, ou bil ijma'. Là, naqluhu lil ijma' sahih. وقال الله تعالى وجاء ربك نعم لو كمل الآية لكان وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة صفا صفا نعم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بقية الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ماذا في ظلال من الغمام ما معنى في ظلال من الغمام يا هارون أو يا عبد الكريم الظلال ها L'ombrage, dans l'ombrage. Taïb. Ya'tihum Allahu fi dhulal. Allah subhanahu wa ta'ala fi dhulal. Dans l'ombre. Hal hadha mumkin? Hein? Ish? Mumkin و الله سبحانه وتعالى فيه الله سبحانه وتعالى أوسع من كل شيء وهو الأكبر الله أكبر كيف يدخل في خلقه comment il pourrait rentrer dans une de ces créatures C'est pas la différence. Alors. Justement, on sait pas comment il descend. Parce que tu sais pas comment il descend. Alors, mais là, tu sais pas comment il rentre dans l'ombre. Non, justement. Même. Il rentre pas dans l'ombre, justement. Tu dis pas ça. Parce que là, on n'a pas dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il descend, il rentre dans les autres cieux. Ah, ben, ten. Hadha kalam al-mubtadi'a. Hadha kalam al-mubtadi'a. Allah, subhanahu wa ta'ala, fawqa kulli shay. Wa hadha al-fawqiyya. Ou l'ulou mutlaq. C'est-à-dire, malgré qu'il descend, il restera toujours au-dessus de toute chose. Tamam. C'est pourquoi ça, c'est un truc qu'on affirme, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Mais on dit, al-kif, malana ilm. Malana ilm. Et quand tu prends, à titre d'exemple, c'est. Walillah il-mathal al-a'la. À titre d'exemple, si toi tu prends une sphère, elle est comme ça. Tamam. Toi, tu viens à l'ouvrir. Tu vois, tu l'ouvres comme ça. Là, ce qui est là, ça va être plus proche. Sah ou là, puisque là, tu l'as ouvert. Tamam. Sans que tu sois rentré dedans. Tamam. Vous avez compris l'exemple ? Walillah al-mathal al-a'la. Al-kif ma nadri. Lakin, nahnu nuthbit dhalik ala muradillah. لكن في ظلال من الغمام الفي هنا ما ايش في ظلال او ل ماذا كما كيف يقولون نسيت العبارة يعني بمعنى مع أن الله سبحانه وتعالى في هنا بمعنى مع الظلال تمام وليس في بمعنى الظرفية طيب وبعض بعض السلف يثبتون المجيء دون الاتيان يقولون الصفة المراد هو المجيء أما الاتيان في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي بمعنى المجيء فالمجيء هو الذي نثبته أما الاتيان فلا. هل هذا صحيح؟ Certains ils disent que on affirme le sifat du Madji. Jaa Rabbuk. Hein? Mais en ce qui concerne l'itian, qui est un mot qui est presque du même sens que Al-Madji, ils disent ça on ne l'affirme pas. On dit juste que le but visé c'est Al-Madji. Tamam? Est-ce que c'est ça? Il y a un dalil sur les deux mots. Jaa Rabbuk. وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله dans le premier verset جاء بمعنى المجيء و dans le deuxième يأتيهم الله الاتيان on affirme les deux تمام et comment on peut réfuter le fait qu'ils disent que هذا و هذا c'est pareil parce qu'il a été cité de manière différente non s'il a été cité de manière différente c'est qu'on doit affirmer mais ça c'est, ils ont pas été cités dans le même verset. Oui, c'est pour ça justement que c'est deux versets différents. Allah il a utilisé les deux termes. Regarde, maintenant, الآن الإسلام. الإسلام والإيمان. إذا افترقا اجتمع المعنى. Là ils sont évoqués dans deux contextes différents. Mais il m'a dit ça peut sous-entendre l'itienne. Ou l'itienne, ça peut sous-entendre le Madji. D'accord ? Donc là, il faudrait qu'on ait un dalil où ils sont évoqués ensemble. Pour qu'on puisse dire, ouais, y a une différence entre les deux. Tamam ? Ou alors, il y a un dalil ? Hein ? Hein ? Non, fi dalil. Fi dalil. وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تلقاني عبدي تلقيت بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيت بباع وإذا تلقاني بباع جئته أتيته مفهوم؟ Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les deux mots au même endroit. Jituhu ataytuhu bi asra. Donc ça montre bien que ces deux sifas sont affirmés à Allah azza wa jalla et que l'un n'est pas forcément n'est pas forcément du même sens que l'autre. طيب certains d'entre eux ont dit ils ont dit non quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa jaa rabbuk ça veut pas dire jaa Allah azza wa jalla innama jaa amru ou jaa al malaika tamam ils ont dit jaa al malaika qui c'est qui peut nous rad lorsqu'ils disent ja al malaika dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala ja rabbuk eux ils disent non il veut dire le malaika surat al fajr tout simplement comment tu vas dire ouais, c'est la venue des malaika alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la venue des malaika d'une manière juste après. Jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Naam. Que tu as cité, c'est quoi déjà les deux? Comme on a dit que s'ils sont séparés, ils ont le même sens. S'ils sont ensemble, c'était pas le sens de chacun là. Allah alim, ma nadart fi sharh al hadith. طيب طيب وهناك مسألة كذلك لابد أن يتنبه عليه أو عليها الطالب، وهو إذا قال الله سبحانه وتعالى إذا أضاف المجيء إليه أو الإتيان والمجيء المضاف إليه نوعان مطلق ومقيد. Donc lorsqu'il a utilisé al-maji wa al-itian et qui s'est attribué cette venue, c'est-à-dire lorsqu'il dit la venue d'Allah Azzawajal, ou quoi, elle est deux types. Lorsqu'il parle de sa venue d'une manière absolue, et lorsqu'il parle d'une venue qui est en lien avec une chose. Tamam? Muqayyada. فإذا كان مجيء رحمته مجيء رحمته وعذابه وكان إذا كان الفتح من عند الله ونحو ذلك قيد بحرف جر كما في حديث جاء الله بالرحمة والخير. هذا الحديث يعني حديث الله سبحانه وتعالى والبروفيت السامي جاء الله بالرحمة والخير. الله est venu avec la miséricorde et le khair. Là quand on dit جاء الله بالرحمة والخير, est-ce que c'est الله سبحانه وتعالى بذاته qui est venu, ou c'est sa miséricorde qui nous est parvenue, ou son bien? Miséricorde. Sa miséricorde. Comment t'as su ça? Parce que là, t'as Ja'a, Ja'a Allah. Et dans l'autre, t'as Ja'a Rabbuk. C'est l'attribut d'Allah. C'est le but qui fait. Hein? Naam, c'est le ba, le harf al-jar. Ja'a Allah, bi kada wa kada. Tamam? Avec le harf jar, là tu peux dire que c'est le but visé, c'est pas forcément l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Mais ça peut être soit sa miséricorde ou autre. Mais lorsque il évoque la venue, sa venue, d'une manière absolue, sans la réglementer ou sans la lier à quoi que ce soit, alors là, ça ne peut pas être interprété par autre que sa venue à lui. طيب هناك اشكال. الامام احمد جاء عنه lorsqu'on lui a demandé au sujet du verset جاء ربك, il a dit جاء امره, exactement la parole des مؤوله المبتدعه. C'est l'imam احمد, l'imam اهل السنه. فماذا تقول يا أبا إدريس؟ que c'est l'imam Ahmed qui peut se tromper. Que c'est l'imam Ahmed qui peut se tromper. La personne que tu dis, si tu dis ça, Ami, l'imam Ahmed il peut se tromper. Donc toi là. Ça peut être parmi. On peut prendre ce sens aussi. Il peut être correct aussi, mais. Ce sens, il peut être correct. Comment? Allah a'lam. Et quoi? Nous, là, on a 6 mois. On est là, peut-être plus 6 mois, dans cette da'wa, dans ce khair, ok là. Et chaque ishkalat qu'on vous ramène, une parole d'un tel, une parole de kada, la première des choses qu'il faut regarder, C'est le dalil. C'est le dalil. La deuxième chose, dans ce dalil-là, ou dans cette. Là, avant tout, on veut savoir, est-ce que c'est sahih ou pas. Là, je vais dire, ouais, l'imam Ahmed, il a dit ça. Khalas, soit t'adrib alayh. يقول الإمام أحمد يعني قوله مردود باطل وده. mais avant que tu viennes à dire ouais sa parole elle est réfutable ou quoi, faut déjà savoir est-ce que elle remonte bien à l'Imam Ahmed. Comme ceux qui ont affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a bel et bien une main gauche. Hein? Eux ils sont basés sur des hadiths. Toi tu vas entendre le hadith, tu vas dire il est dans Sahih Muslim. خلاص. Alors خلاص il donne. Et des savants, ils ont marché sur cette règle, comme Mohamed ibn Abdul Wahhab. Alim. Et il te dit dans Kitab Tawhid, Nusbit sifat al-yad al-yusra lillahi azza wa jal. Ma'an al-huffad ala tad'if al-hadith. Malgré que les a'imma du hadith, ils te disent que ce hadith-là est faible. Tamam. Donc ça vous montre l'importance de ilm al-hadith. Et qu'en vérité, Le savant qui est spécialiste dans le hadith, tous les autres savants, ils auront besoin de lui. Tous les autres savants, ils auront besoin de lui s'ils veulent œuvrer avec cette religion. Parce que le din, قال الله, قال رسول, وقال الصحابة. Donc ça veut dire que tout ça, pour encore, la parole d'Allah عز وجل, هذا قد يحفظها الكثير. Lakin le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, et savoir s'il est sahih ou savoir s'il est da'if, ça c'est nawadir al-nas. C'est pourquoi quand le Cheikh al-Albani alayhi rahmatullah yahuth tullaba ala ilm al-hadith, ilm al-hadith, ilm al-mustalah. Na'am. Donc l'imam Ahmed, ça a été rapporté dans, chez l'imam al-Bayhaqi, plus une année. وكذلك في بداية في البداية والنهاية ابن كثير. Comme quoi l'imam Ahmed a dit cette parole-là. جاء ربك أي جاء أمره. Tamam. Lakin, c'est pas un athar qui remonte réellement jusqu'à l'imam Ahmed. Dans sa chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Hanbal ibn Ishaq. Et ça, c'est à retenir. Hanbal ibn Ishaq, قد كثر الأغاليط عن الإمام أحمد. Pourtant, c'est quelqu'un من أقاربه. Quelqu'un qui fait partie de la famille de l'imam Ahmed. Tamam. Laquelle il a rapporté énormément de choses étranges d'après l'imam Ahmed. C'est-à-dire, si jamais tu vois dans une chaîne de transmission An Hanbal ibn Ishaq An l'imam Ahmed, bah déjà tu sais que la parole qui va venir yani, elle n'est pas yani, exempt de tout de toute critique. Tamam. طيب طيب petite faïda. هل ينظرون الى ايش نعم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. Le verset Cheikh al-Islam, ou bien plutôt l'autre verset, madame al-Muhim, les versets qui sont venus dans le Madji, qui sont venus pour affirmer le sifat de la venue d'Allah Azzawajal, Cheikh al-Islam, il en a pris certains pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعني له العلو المطلق. Il se trouve au-dessus de tout. À partir de quoi il a pris ça? Hein? Ou le verset تشقق إذا تشقق ما لا تشقق السماء وبالغمام. إيش الآية؟ نسيت هكذا. على كل حال الآيات التي فيها مجيء الله كذلك يستفاد منها علو الله عز وجل parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans certains de ces versets où il évoque sa venue il évoque ماذا le ciel ou les nuages tamam et il dit qu'il vient de cette direction là c'est à dire il vient من فوق تمام لا يأتي من تحت يأتي من فوق تمام فهذا استدلال عظيم من الإمام ابن تيمية طيب وآخر ما نستفيد من إثبات المجيء لله شدة الخوف الذي ينبغي على العبد أن يتأمل أنه سيأتي يوم يأتي الله سبحانه وتعالى فيه لفصل القضاء نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يا personne parmi vous sans que son Seigneur va lui parler ليس بينه وبينه ترجمان Il n'y aura pas entre lui et Allah un interprète, quelqu'un qui va parler en sa faveur ou un intermédiaire. Et ça, fi'lan, celui qui craint Allah Azza wa Jal, juste le fait de s'imaginer ce genre de mawqif, comme quoi Allah il va parler à chacun des croyants. Na'am. Sans qu'il y ait d'intermédiaire. Hada, ça suscite de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Wa fi nafs al-waqt ar-raghba fi ta'a. Dans un même temps, ça doit aussi susciter le fait d'aller de l'avant et de lui obéir. Et d'aimer lui obéir. Ala kulli hal qad atalna wa jaa waqt as-salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.